Melchisedec sont des êtres qui sont bons, qui sont bons et qui sont bons. Mais les hommes ont de la difficulté à reconnaître le bon, parce que les hommes ont servi tellement à la réparation des frères qu'ils n'ont pas compris leur origine. Mais maintenant que l'homme commence à comprendre son origine et qu'il commence à comprendre qu'il y a de la possibilité en lui de revenir au frère ou du frère de revenir dans la matière, c'est difficile pour l'homme de comprendre qu'est-ce que c'est le bon. Et le bon, c'est tout ce qui engendre dans l'univers une évolution vers une plus haute perfection. Et le bon, c'est tout ce qui est intelligent dans la perfection de ce qui est fait à travers de l'être qui en émane la vibration. Le bon, ça se discute pas, ça peut se douter, parce que l'intelligence dans le bon est très vaste et la crainte de l'homme est très grande, parce que l'homme n'a jamais su qu'il était simplement un modèle qui servait à réparer le frère. Mais lorsque l'homme commence à entrer en contact vibratoire avec son frère, ce qui se passe parmi vous autres, petit à petit, d'une façon subliminale, ça devient de plus en plus facile à l'homme de reconnaître un autre frère. Et c'est pour ça que l'on dit que tous les hommes sont frères. Mais tous les hommes ne connaissent pas leur frère d'origine. Et lorsque les hommes reconnaîtront leur frère d'origine parce qu'ils ont, ils auront contact vibratoire avec eux, à ce moment-là, les hommes seront réellement frères et il y aura sur la Terre la fraternité universelle. Mais la fraternité universelle dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas la fraternité universelle qui sera demain. C'est encore une fraternité universelle qui provient de la sensibilité spirituelle de l'homme. Et ça fait partie de certaines impressions créées par les frères dans l'esprit de l'homme pour l'amener petit à petit à se spiritualiser afin qu'un jour il puisse entrer dans l'intelligence totale de sa création et l'origine de sa création et le retour vers sa création et son point de départ dans le temps. Lorsque l'homme connaîtra ses frères, il sera cosmique. Et l'homme aura le pouvoir sur la matière, l'homme aura le pouvoir sur la vie, il sera maître de la vie, il sera surhomme, il sera parfait, il commencera une nouvelle évolution, et il se produira quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que pour la première fois dans l'évolution, les frères, au lieu de créer expérimentalement des conditions pour leur réparation, auront créé en même temps un produit qui deviendra égal à eux. Parce que dans le cosmos, quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas le détruire, il doit servir après. Alors, autant les frères sont parfaits et doivent être réparés, dans leur réparation, une humanité doit être créée. Lorsque l'humanité est créée, est arrivée à un certain niveau d'évolution, ce qui a été créé, le produit de cette créativité qui a servi à la réparation des frères, doit aussi servir pour le bénéfice de ceux qui ont servi à la réparation des frères. De sorte que l'homme a été créé pour la réparation des frères et sa récompense, c'est la conscience cosmique. Ça, c'est beau. Sans ça, l'homme sera un robot. L'homme sera simplement un outil. Pas être un outil. Non. Non, parce qu'on n'avait pas... On ne pouvait pas refuser parce que nous sommes simplement une projection dans le temps d'une intelligence supérieure. Mais nous n'avions pas les corps. Pour refuser quelque chose, il faut être intelligent, il faut avoir de la volonté. Il faut connaître les lois. Quand tu connais les lois, tu refuses. À ce moment-là, tu commences une nouvelle évolution. Parce que quand tu commences à refuser dans le cosmos, tu deviens maître. Seulement les maîtres peuvent refuser. À ce moment-là, tu commences une nouvelle évolution. Alors, le bénéfice... Les gens disent, mais qu'est-ce que ça vaut de vivre sur la Terre? Qu'est-ce que ça donne à l'homme de vivre sur la Terre? Ben, patata, ça donne à l'homme qu'un jour, l'homme peut devenir égal à ses frères. Et à ce moment-là, lorsqu'il devient égal à ses frères, il est obligé, de par la fusion avec des ajusteurs de pensée, de créer des univers nouveaux, où probablement l'homme créera d'autres races lorsqu'il sera lui-même arrivé au point de réparation. Parce qu'un homme, un jour, sera obligé aussi d'être réparé, parce qu'il aura atteint un niveau de perfection. Et à ce moment-là, il créera une race qui servira aussi à le réparer. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça veut dire réparer un être parfait? Réparer un être parfait, ça veut dire lui donner suffisamment de temps pour qu'il ne puisse pas être actif. C'est ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité, c'est suffisamment de temps pour que le frère qui doit être réparé ne soit pas actif. Et pendant cette période-là où il n'est pas actif, il y a quelque chose d'autre qui devient actif pendant une très grande période de temps. Et c'est, dans notre cas, ça a été l'homme. C'est-à-dire que ça se passait, l'activité. Le frère demeure inactif. Une fois qu'il est réparé, l'homme devient créatif et le frère devient encore actif. Parce qu'il y a une différence entre la création et l'activité. C'est plus grand dans l'univers d'être actif que d'être créatif. Peut-être qu'un jour, l'homme sera actif. Mais si l'homme devient un jour actif, c'est parce qu'il aura atteint un certain niveau de perfection. Parce que c'est seulement dans la perfection que l'activité existe. Parce que l'activité, être actif veut dire qu'il y ait pulsation. Simplement pulsation. Tandis que dans création, il y a toujours la manipulation de la forme. De sorte que la création, c'est moins grand que l'activité cosmique. Alors, je rentrerai là-dedans plus tard, parce qu'il y a bien des affaires à dire là-dedans. Alors, la question vient, quand est-ce que nos frères nous aiment? Quand est-ce que le frère aime l'homme qui a été créé? Le frère aime l'homme qui a été créé quand l'homme peut le reconnaître. Et lorsque l'homme peut reconnaître le frère qui l'a créé, c'est là que l'homme connaît l'amour cosmique. C'est ça l'amour cosmique. L'amour cosmique, ce n'est jamais entre les hommes. C'est toujours entre l'homme et le frère. Mais l'expérience de l'amour cosmique, une fois que l'homme le vit, à ce moment-là, il peut s'en servir comme outil pour aider à l'évolution de l'homme. Fait que l'amour cosmique, c'est pas pour aimer l'homme. C'est simplement un pouvoir dans l'homme qui lui permet, qui lui donne la force, qui lui donne de l'intelligence, qui lui donne suffisamment d'énergie pour aider l'homme. Mais il faut que l'homme aime, reconnaisse son frère. Maintenant, qu'est-ce que c'est un ajusteur de pensée? Un ajusteur de pensée, c'est un être qui permet à des êtres qu'on appelle des frères de créer dans l'univers des êtres qu'on appelle les âmes. Ça va? Un ajusteur de pensée, c'est un être qui permet à des êtres qu'on appelle des frères de créer des âmes, des êtres qu'on appelle des âmes. Ce ne sont pas les ajusteurs de pensée qui créent les âmes, ce sont les frères qui créent les âmes, mais ce sont les ajusteurs de pensée qui permettent aux frères de créer des âmes. C'est pour ça que les ajusteurs de pensée sont des êtres extrêmement hauts dans l'évolution, extrêmement parfaits. Et ce sont eux qui sont à l'origine de l'intelligence dans l'univers. Et cette intelligence dans l'univers passe par les frères et passe par les hommes. Non. Non. Les ajusteurs de pensée veulent se fusionner à nous et peuvent se fusionner à nous seulement lorsque ils savent que nous pouvons absorber leur énergie. C'est-à-dire lorsque nous pouvons absorber l'intelligence. C'est-à-dire lorsque nous pouvons comprendre notre relation avec le cosmos. C'est-à-dire lorsque nous nous rapprochons de plus en plus de nos frères. Parce que plus nous nous rapprochons de nos frères, plus nous perdons notre personnalité. Et plus nous perdons notre personnalité, plus notre personnalité est au service de l'esprit. Et l'esprit, c'est l'énergie qui est dans l'homme, qui est connectée aux frères. Et les ajusteurs de pensée fusionnent avec éventuellement avec tous les principes de l'homme, c'est-à-dire qu'ils passent par les sept frères de l'homme et attirent l'homme aux sept frères, et c'est ça la fusion cosmique. Un être qui est fusionné n'est jamais sur le plan matériel et à l'intérieur de la conscience expérimentale de l'homme. Même s'il a un corps matériel, il n'est pas sur le plan matériel parce que sa conscience est totalement reliée au frère. Il est frère. Il est dans le frère. Et s'il est dans le frère, il ne peut pas être dans l'homme. Alors, tout ce qui reste de l'homme, c'est l'illusion matérielle du corps, mais l'esprit, la conscience, n'est plus assujetti à l'âme qui crée dans l'homme les reflets de la personnalité qui donne à l'homme l'impression d'être ça. Alors, ça, ce que je vous dis, c'est pour demain. C'est des points de référence qui vont vous servir au niveau de votre évolution et qui vont vous permettre petit à petit de vous désengager de votre personnalité pour vibrer de plus en plus à la source d'énergie qui a créé votre humanité, le frère. Et à un certain moment dans votre vie, vous connaîtrez le frère, vous le verrez, et il y aura automatiquement une union avec lui totale, et c'est à ce moment-là que vous connaîtrez ce qu'on appelle la fusion. Et c'est ça le surhomme. Il y en a sept frères. Les autres, j'en parlerai plus tard. Et ça a une certaine importance pour l'homme de comprendre qu'il est sur la terre simplement pour réparer ce frère, pour permettre la réparation de ce frère, et la conscience cosmique qui lui est donnée en retour, autrement dit, le résultat de la fusion et la compensation de cette évolution, de ce travail. Si l'homme avait arrêté au stage animal, il aurait été détruit. Mais comme l'homme est arrivé au stage de l'homme, autrement dit au stage de la conscience, au stage de l'intelligence, il ne peut pas être détruit. Et la plus grande sécurité de l'homme, c'est l'intelligence. Et quand je dis que la plus grande sécurité de l'homme, c'est l'intelligence, je dis justement ceci. Toute la sécurité de l'homme est dans son intelligence. Toute la sécurité de l'homme. Rien d'autre. Et un homme qui rentre dans son intelligence est automatiquement immortel. Il ne peut jamais être détruit. Il ne peut jamais entrer dans le monde de la mort. Pour servir de modèle à d'autres évolutions, c'est fini. Il n'y a plus de réincarnation, il n'y a plus de cycle de vie. Et être immortel, c'est plaisant parce que ça implique la continuité de l'intelligence dans l'univers. C'est normal, c'est normal. Alors, ce que je vous dis dans les conférences, dans les séminaires, dans toutes mes rencontres avec vous autres, sert à vous amener à cette conscience qui qui vous permettra un jour de réaliser votre lien avec le frère lorsque vous aurez dépassé le seuil de votre conscience qui est limitée par la présence de l'âme en vous, qui est prélimitée par votre mémoire. Et lorsque vous serez dans cette expérience, vous comprendrez ce que vous êtes, vous comprendrez ce que je suis, et vous comprendrez ce que l'homme a fait et ce que l'homme fera, et vous verrez ce que l'homme pourra faire, et vous verrez l'étendue de ce qui a été fait, créé dans l'univers. C'est absolument inouï ce qui a été créé dans l'univers. On n'a pas d'idée de ce qui a été créé. Il y a des mondes, il y a des civilisations tellement avancées, tellement avancées, que nous, sur la Terre, nous en percevons un peu des aspects par le biais de la science-fiction. Des mondes absolument éblouissants que l'on ne retrouve pas dans le monde astral, parce que ces mondes ne font pas partie de l'astral. Mais ce sont des mondes très beaux. Et l'homme doit retourner à ces mondes et travailler dans ces mondes et créer d'autres de ces mondes. Et c'est le but de l'évolution, c'est la progression naturelle de la perfection dans l'univers. C'est pour ça que la condition humaine que nous connaissons aujourd'hui, que nous avons connue par le passé, nous devons la réaliser, la défaire. Et l'homme ne doit pas s'attarder à ses bons sentiments, à ses petits sentiments. L'homme ne doit s'attarder qu'à l'intelligence en lui qui croît, qui grandit, qui le bouscule, mais qui l'amène petit à petit vers la lumière de la terre. L'homme, c'est là la maturité de l'homme. C'est là que l'homme rentre dans la maturité. Et c'est là que l'homme connaît la vie, connaît l'amour, connaît l'intelligence et connaît la volonté. C'est pour ça que je dis souvent que l'homme est très grand, que l'homme est très beau, et que l'homme est, en potentiel, un surhomme, c'est-à-dire un fils créateur de la lumière.